Chapitre 8e, le Semnose. Il faisait à peine jour lorsque le baron de Laverney et Maurice, en costume de chasseur, quittèrent le vieux manoir. Deux braques avaient été placées dans la voiture qui devait les conduire jusqu'au point de la montagne où cessent les bois carrossables. Sir John Colfax et Flavia devaient arriver au Semnose par la route de Saint-Jorias. Les deux chasseurs avaient mis pied à terre depuis quelque temps et étaient parvenus aux deux tiers du Semnose quand le baron s'arrêta. « Attention, Maurice, » fit-il, « il doit y avoir là une compagnie de faisans. » Maurice examina les cartouches de son fusil et arma. Les deux braques furetaient à droite et à gauche dans une sorte de lande couverte de myrtilles. Tout à coup, l'un d'eux se mit en arrêt, l'œil immobile et la queue tendue. L'autre, de confiance, fit de même. « Alerte !» dit M. de Laverney. « La compagnie va partir. Tire au départ !» Sans cela, les faisans emporteront ton plomb. » En prononçant ces mots, il s'avança d'un pas, et les faisans s'élevèrent en faisant entendre leur chant de départ. Le jeune magistrat tira au moment où il passait sur sa tête. Aucun de ses coups ne porta. Le baron, plus adroit, abattit une pièce. Les faisans s'étaient dirigés vers un petit bois de sapin au-dessus duquel se trouvaient le père et le fils. Deux coups de feu retentirent alors, et deux victimes tombèrent foudroyées. « Deux coups de maître !» dit M. de Laverney. « Quel est le chasseur qui nous fait ainsi concurrence ?»« Allons, baron, ne m'en veuillez pas !» répondit une voix claire et railleuse. Et Flavia, sortant du bois où elle était cachée, apparut. « Bravo, mademoiselle, bravo !» s'écria l'inflammable gentilhomme. « Arrive ici, Maurice » ajouta-t-il, « que je te présente à Miss Colfax !» Debout sur un rocher, Flavia, le bras appuyé sur sa carabine, regardait les deux chasseurs placés au-dessous d'elle. « Chère Miss, lui dit le baron, je vous présente mon fils Maurice de Laverney, jeune magistrat d'avenir, mais détestable chasseur. Soyez le bienvenu, monsieur, dit la jeune fille avec un sourire narquois. Ramassez mes deux trophées et mettez-les dans votre carnassière. » Maurice, les yeux fixés sur l'étrangère, semblait changer en statue. « Eh bien, tu as entendu, Maurice, dit le baron, ramasse les faisans et remercie mademoiselle de la leçon d'adresse qu'elle vient de te donner. » « Vous ? Vous ?» fit le jeune magistrat tout éperdu en s'adressant à Flavia. « Qu'a donc monsieur votre fils, cher baron ?» reprit celle-ci. « Me prend-il pour le sphinx de la fable qui dévorait les passants ?»« Vous êtes... Vous vous nommez Miss Colfax ?» poursuit Maurice d'une voix haletante. « Tel est mon nom, monsieur, » répondit Flavia en éclatant de rire. « Et s'il vous faut un témoignage de ce que j'avance, voici Sir John Colfax qui vous affirmera que je suis bien sa fille. » « Qu'y a-t-il donc ?» demanda le riche Yankee qui venait de rejoindre les chasseurs. « Il y a, » continua la jeune fille en riant de plus belle, « que monsieur me prend pour une apparition ou pour un fantôme. »« Pardonnez-moi, mademoiselle, » dit le jeune magistrat déconcerté par ces paroles, « mais en vous voyant, je n'ai pu me défendre d'un mouvement de surprise, de stupeur. Vous êtes la vivante image d'une jeune fille que j'ai connue autrefois. »« Où ça ?» reprit le baron vivement intrigué. « Allons, monsieur !» répliqua Flavia avec une grâce enchanteresse, « offrez-moi votre bras. » Et tout en cheminant, vous me raconterez cette histoire de ressemblance qui pique d'autant plus ma curiosité que je ne croyais pas avoir un sosie de par le monde. Maurice de Laverney obéit, mais il était si troublé qu'il marchait machinalement sans se préoccuper des inégalités de terrain. « Prenez garde, » lui dit Flavia, « nous côtoyons un précipice de 200 mètres de profondeur. Un faux pas serait mortel. » Ce passage dangereux une fois franchi, on se trouva sur une de ces pelouses vertes qui couvrent les pentes alpestres de la Haute-Savoie. Au milieu de la prairie, il y avait un massif d'arbres centenaires au pied duquel coulaient en gazouillant sur des cailloux les eaux d'une claire fontaine. John Colfax et le baron avaient pris les devants et les détonations qu'on entendait assez fréquemment indiquaient qu'ils faisaient bonne chasse. Cet endroit est charmant pour raconter une églogue, car je suppose que votre histoire est une sorte de pastorale dans le genre Florian, dit Flavia. Si vous le voulez, arrêtons-nous ici, je suis tout oreille. Il y avait tant de franchise, tant de naturel dans la voix de la jeune fille, que Maurice se demanda encore s'il n'était point abusé par l'une de ces ressemblances étranges qu'on rencontre parfois au milieu des hasards de la vie. Mais, repris bientôt par ses premiers soupçons, il se promit de savoir sur le champ à quoi s'en tenir sur la véritable personnalité de sa compagne. « C'est une triste et lugubre histoire que vous allez entendre, mademoiselle, » répondit-il à Flavia en la regardant dans les yeux. « comme pour y lire les impressions que son récit allait produire, et il raconta, sans omettre un seul détail, le drame judiciaire qui lui avait servi de début, ou à peu près, dans sa carrière de magistrat. L'ancienne institutrice l'écouta attentivement, et pas un muscle de son visage ne broncha, pas un tressaillement ne lui échappa, pas un éclair de colère ou de haine ne traversa son regard. « Et cette misérable empoisonneuse est toujours dans une maison de détention ?» dit-elle à Maurice lorsqu'il eut terminé. « Elle a été graciée un an après sa condamnation, » répondit-il. « Avait-on donc reconnu qu'elle était innocente ?» demanda Flavia. Cette question fut faite avec tant de calme et d'un ton si plein de sincérité que le jeune magistrat sentit tous ses soupçons se dissiper. En ce moment reparurent le baron et Sir John Colfax. Ils venaient chercher les retardataires. On chassa jusqu'à 3 heures, et Maurice répara sa maladresse première en abattant 2 faisans et un coq de bruyère. À 3 heures, les chasseurs prirent le chemin du chalet où les attendait un dîner plantureux. Maurice, en entrant dans la salle à manger avec son père, Colfax et Flavia, aperçut, mais sans voir d'abord leur visage, de jeunes gens qui causaient près de l'embrasure d'une fenêtre. Au bruit que les chasseurs firent en entrant, les 2 jeunes gens se retournèrent, et Maurice eut comme un éblouissement. Maurice de Lavernay venait de reconnaître, dans les 2 personnages qui causaient près de la fenêtre, Maître Maxou, l'ancien défenseur de Flavia Morin, et le docteur Cabarrox, qui avait été chargé de l'expertise légale. Leur présence en cet endroit fut un trait de lumière pour le jeune magistrat. Plus de doute maintenant. La jeune fille qu'il avait devant lui, et qu'on appelait Miss Colfax, était bien l'ancienne institutrice des demoiselles de Vallombreuse. Mais comment se trouvait-elle être présentement la fille de ce riche Américain qui émerveillait Paris avec son luxe de nabab? Sa femme, il l'eût compris jusqu'à un certain point. Sa fille, il avait beau se creuser le cerveau, il ne le comprenait point. Quoi qu'il en soit, Maurice de Lavernay se trouvait fixé. Le vague danger qu'il présentait depuis quelque temps prenait enfin un corps, et il s'expliquait le sens du mystérieux avertissement que lui avait donné le vicomte de Carlucet. Lorsqu'il se fut remis de sa surprise, il s'avança résolument vers l'avocat. « Maître Maxou, si je ne me trompe, » lui dit-il en s'inclinant, « moi-même, » répondit ce dernier en lui rendant son salut. « Ne me remettez-vous pas ?»« Je me souviens à présent. Nous avions autrefois rompu, vous et moi, quelques lances. » « Devant la cour d'assises de la Nièvre. » « Précisément. » « Alors vous devez reconnaître également mon ami, le docteur Cabarrox. » « Parfaitement. » Cabarrox, à son tour, s'était levé et avait salué. « Eh bien, puisque nous sommes tous en pays de connaissance, » répliqua gaiement le baron de Lavernay, qui venait de s'approcher, « mettons-nous à table. Dîner froid ne vaut jamais rien. » Le jeune magistrat ne devait pas être au bout de ses surprises. La porte de la salle à manger s'ouvrit, et il vit apparaître Scabieuse suivi de son fidèle Terre-Neuve. Il la regarda plusieurs reprises, comme s'il croyait avoir mal vu. Puis, quand il fut bien certain de ne pas s'être trompé, il lui dit d'un air stupéfait, « Vous ici, vous ? L'heure de Paris m'était contraire. » répondit avec un sang-froid imperturbable la jeune négresse, « et je suis entrée au service de Sir John Colfax, que j'avais connu autrefois en Amérique. « À table, messieurs, » dit le riche Yankee qui venait d'entrer, et il s'assit pour donner l'exemple. Flavia invita gracieusement Maurice de Lavernay à se placer à côté d'elle. Il se dirigea machinalement vers la place indiquée, comme un homme qui n'a plus conscience de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Puis le dîner commença.